pas mal. J'crois j'ai besoin d'un chaman. J'aime pas les flics, c'est plus fort que moi. J'connais personne de plus fort que moi. Quoi? T'as déjà vu plus fort que moi? Toi, nous tes histoires on y croit pas. À ce que tu m'avais, je ne crois pas. Tu m'as cherché, je te vois pas. Chérie, s'il te plaît, mets ta veste. Ce soir on va au resto. Demain on part à la mer. J'ai vraiment besoin de repos. Le freak, c'est chic. Moi, au sein il éclate le shit. Tu seras rien comme Adopi. Pomme de Renette et pomme d'Api. Je me rappelle quand on était petit. Personne pensait au Glen Orchy. J'ai pas les clés du paradis. Ai-je besoin d'un parapluie? Ouais, ma vie, c'est un film. Je m'allume comme la ville. Ce soir je vais chez Picsou. RDV dans sa piscine. J'ai l'impression de marcher sur un fil. Tout le monde t'aime quand tu pries. Je voulais marcher sur une île pour attraper les étoiles et m'en aller très haut. Très haut, là où les oiseaux volent avec les anges et les super-héros. Mon frère, c'est comme si j'étais seul avec le vent. Je suis la soque et je prends la drogue et je me sépare de mon corps. Bien que c'est la bonne, elle m'aime même quand je suis moche. Quand j'ai raison, quand j'ai tort. Quand je suis pas bien, quand je suis fort. Et je me réveille et je m'endors. Je m'étais promis qu'on s'en sortit. Ennemi dans ma ligne de mire. Toi et ton équipe de merde, tu devrais ralentir ou penser à changer de vie. Si t'es fatigué, quitte le game. Pour moi, c'est facile, comme si j'étais Rain Man. Je te l'ai déjà dit, je suis pas comme eux. Je rêvais d'être Pete, d'avoir ma quête moss depuis l'époque des Pokémon. Ski RK9, RK10. Dis-le tout de suite si tu veux 10. Looney Limfleur, c'est la pif. The Kaosan, c'est la mif. J'ai grandi à Paname comme Aznavour et Haroun. J'ai vite capté que pour certains c'était pas rose. Dans le métro, ça vend du crack devant les darons. Ouvre ta gueule, t'auras une amende. Quoi, t'es pas content, personne n'est content. Y'a pas de justice à part que la route tourne. Flamme dans la rétine, je vais jamais arrêter. Même si ça prend du temps, je vais pas rater mon tour. Ma vie, c'est un film. Je m'allume comme la ville. Avec mes potos, on était 10. J'avais l'impression qu'on était 1000. J'ai l'impression de marcher sur un fil. Tout le monde t'aime quand tu pries. Je voulais marcher sur une île pour attraper les étoiles et m'en aller très haut. Très haut, là où les oiseaux volent avec les anges et les super-héros. Mon frère, c'est comme si j'étais seul avec le vent. J'fume la soque et j'prends la drogue et j'me sépare de mon corps. J'crois bien que c'est la bonne, elle me m'aime quand j'suis moche. Quand j'ai raison, quand j'ai tort. Quand j'suis pas bien, quand j'suis fort. Et j'me réveille et j'm'endors. J'm'étais promis qu'on s'en sort.